quelques éléments qui nous restaient au niveau de, des enregistrements des opérations. Et on va démarrer aujourd'hui la dernière partie qui porte sur les travaux de clôture, travaux comptables de fin d'exercice. Donc je rappelle un peu ce que nous avons vu jusqu'à présent. On a vu le bilan et le compte de résultats. En même temps, nous avons vu l'enregistrement des opérations dans les livres, au grand livre, au journal, avec le PCM et avec la TVA. Et nous avons entamé la dernière fois la partie relative aux principes comptables. Donc, principes comptables généralement appliqués. Attention à ces principes, il y a toujours quelques questions à l'examen et à la deuxième interrogation sur ces principes. Donc, on appelle les GAAP. Chaque pays observe le respect de ses principes comptables par sa comptabilité. Et lorsque les comptes sont publiés à la Banque nationale, eh bien, si vous consultez les comptes d'une entreprise à la Banque nationale, il est indiqué chaque fois s'ils sont ou non conformes au GAAP. Et donc, on va entamer, je dirais, une deuxième partie après cette première partie qui porte sur les travaux de clôture. Ces travaux de clôture donc on les appelle les travaux comptables de fin d'exercice parce que ils peuvent être faits à la fin d'un exercice pour la plupart des entreprises, mais parfois lorsque l'entreprise est très grande, elle peut les effectuer une fois par semestre, voire une fois par trimestre. Dans ces travaux de clôture, on va voir l'amortissement qu'on va commencer aujourd'hui, amortissement des actifs immobilisés. Ensuite, les réductions de valeur. Et enfin, les provisions pour risques et charges. Voilà, nous ne voyons que ces travaux de clôture, ces trois importants, et qui jouent un rôle très prépondérant sur le plan fiscal. Donc en fait, ici, nous sommes en compta, nous touchons à la fiscalité. Et bien entendu, aux éléments de finance. Je vais expliquer cela. Donc, on est vraiment sur les trois domaines, et fatalement, on touche aussi au droit des sociétés, droit commercial. Donc, nous sommes là véritablement dans quatre domaines à la fois, et c'est important de le rappeler, en Belgique comme en France, contrairement aux Pays-Bas, vous n'avez pas une comptabilité pour informer les tiers, une comptabilité pour déterminer la base fiscale. C'est une seule et même comptabilité qui engage l'entreprise vis-à-vis de tout le monde. Et donc, lorsque vous faites votre comptabilité, ça permet, avec la déclaration fiscale, à l'administration fiscale de déterminer la base imposable. Ça permet de voir la responsabilité de l'organisation de l'entreprise. Mais là où je voulais en venir par rapport à la compta, à la fiscalité et à la finance, c'est avec cet exemple ici. Et donc, en fait, je vais voir les trois points dont ce qu'ils ont comme lien avec la comptabilité, la fiscalité et la finance. Et puis, on abordera chacune des opérations. Donc, je vais couvrir les trois éléments globalement. Avant de passer une quelconque écriture, et imaginons que vous ayez un bâtiment qui a été acheté, par exemple, pour 1 million d'euros, donc immeuble. Vous l'avez construit ou vous l'avez acheté pour 20 000 euros, pour 1 million d'euros. Donc que vous l'ayez acheté ou que vous l'ayez construit, vis-à-vis du principe du coût historique, c'est le coût d'acquisition que vous enregistrez dans un compte 22, éventuellement plus les frais qui s'ajoutent, ou ne s'ajoute pas, comme les frais d'architecte, etc. Alors, imaginons que vous ayez chaque année un amortissement de, mettons, 50 000 euros. Quel est le problème comptable? Quel est le problème fiscal? Quel est le problème financier dont j'ai parlé il y a un instant? Directement sur les comptes annuels. Ne regardons pas les écritures comptables, on va les voir après. Justement pour que l'arbre ne vous cache pas la forêt, j'aimerais bien simplement voir directement l'impact sur les comptes annuels avant de rentrer dans le détail des écritures comptables. Vos comptes annuels. Imaginons que vous ayez acheté cet immeuble en janvier 2016. Le 2 janvier 2016. Parce que si vous l'avez acheté le 1er juillet 2016 ou le 1er octobre 2016, fiscalement, ça ne sera pas la même chose. Les 50 000 de charges vont être considérées par le fisc comme étant exagéré, parce que si vous avez acheté par exemple cet immeuble le 1er octobre 2016, on va vous dire, mais non, ne prenez pas 50 000, prenez 50 000 divisé par 12, multiplié par 3, c'est-à-dire juste les mois pendant lesquels vous avez utilisé le bâtiment. On parle d'amortissement au prorata du temps, amortissement prorata temporis, mais nous y reviendrons. Vous amortissez votre immeuble fin 2016. Attends, je vais réduire un peu parce que... Voilà. Fin 2016, vous allez faire apparaître votre immeuble ici, pour sa valeur nette comptable. D'accord ? Ça va être 950 000. Nulle part, à l'actif, vous n'aurez 1 million moins 50 000. Je rappelle que les chiffres négatifs, on les présente en comptabilité, entre parenthèses. Parenthèse remplaçant le signe soustractif. Si vous voulez savoir que le bâtiment a été acheté pour 1 million et qu'il a déjà été amorti de 50 000, c'est l'annexe qui va vous le dire. À l'actif du bilan, vous n'aurez que 950 000. Quel est le problème comptable? Eh bien, le problème comptable, c'est que l'immeuble apparaît pour sa valeur nette comptable de 950 000 et ce que vous avez perdu sur l'immeuble vient en charge comme si c'était une charge du personnel, comme si c'était un achat de fourniture de bureau ou un achat de service de téléphone. Donc on va voir ici une charge qui s'appellera dotation aux amortissements. Ça, c'est le problème comptable. Donc la comptabilité a fait son boulot parce que dans les comptes annuels, au bilan, au compte de résultat et à l'annexe, vous avez donné toutes les informations relativement à ce bâtiment. Vous avez dit à l'actif du bilan qui renseigne sur le patrimoine que l'immeuble vaut 950 000, a priori. Vous avez indiqué dans le compte de résultat ce que vous avez perdu sur votre immeuble. Il s'est déjà déprécié, il s'est déjà dégradé, il a déjà vieilli de 50 000. Et dans le troisième compte qui s'appelle l'annexe, et non les annexes, à l'interrogation, quand on me demandait quels sont les trois comptes annuels dont la publication est obligatoire, c'est le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ce ne sont pas les livres. Ne confondez pas les livres comptables que vous tenez en interne et qui sont le journal et le grand livre dans lesquels vous enregistrez les opérations au jour le jour, sans retard ni délai, et qui ne sont pas publiés, qui peuvent faire l'objet évidemment d'un examen par l'administration fiscale ou par n'importe quel contrôleur. Ne confondez pas ces livres internes avec les comptes annuels que vous publiés et qui sont le bilan, le compte de résultat et l'annexe, parce que, en tant que société à responsabilité limitée, vous êtes obligé d'informer les tiers pour savoir s'ils doivent continuer à prendre les risques avec vous ou pas, puisque vous êtes une société à responsabilité limitée. Donc la compta a fait son boulot, puisque le bilan renseigne sur le patrimoine. Le compte de résultat indique que vous avez perdu 50 000 sur l'exercice. Et l'annexe, elle raconte, elle décrit que l'immeuble a été acheté pour 1 million, qu'il s'est déjà dégradé de 50 000 et qu'il vaut 950 000. L'annexe n'étant que un certain nombre de tableaux descriptifs du bilan et du compte de résultat. Quel est le problème fiscal? Je répète, en Belgique et en France, il y a primauté de la comptabilité sur la fiscalité. Ce que vous mettez dans votre comptabilité va vous engager vis-à-vis de l'administration fiscale. Vous avez indiqué une charge de 50 000. L'administration fiscale va en tenir compte. Comment? Ben, tout simplement, comme on l'a toujours fait, elle va prendre votre chiffre d'affaires, imaginons qu'il soit de 100 000, moins vos charges, ajoutant peut-être l'une ou l'autre charge du type approvisionnement de 20 000, et mettant rémunération de 30 000. Ce qui veut dire que, dans le cas d'espèce, votre résultat est de zéro. Donc, volontairement, j'ai pris cet exemple pour frapper les esprits. Donc, vous avez un résultat qui est nul, puisque à gauche, vous avez 100 000, et à droite, vérification arithmétique et logique, vous avez 100 000. Vous avez donc un bénéfice de zéro. Ce qui veut dire que si vous n'aviez pas les amortissements, votre bénéfice aurait été de 50 000. Si vous aviez enlevé les 50 000, vous auriez un bénéfice de 50 000. Donc, grâce à l'amortissement, vous avez réduit votre bénéfice. 2,50. 1000 à 0. Nous sommes d'accord. Vous n'allez rien payer comme impôt parce que vous avez un bénéfice égal à 0. Si vous n'aviez pas cet amortissement, votre bénéfice aurait été de 50 000. On aurait juste 100 000 moins les deux charges de 20 000 et 30 000. Vous auriez un bénéfice de 50 000 sur lequel vous auriez payé 34%. En réalité, j'ouvre une parenthèse et je reviendrai sur cette parenthèse plus tard. Ce n'est pas exactement sur ce bénéfice que vous payez l'impôt. Il est corrigé d'un certain nombre d'éléments. Je vais juste donner un premier élément d'explication et puis on revient là-dessus. Donc, on va juste retenir que si vous avez un compte de résultat avec un chiffre d'affaires de 100 000 et par exemple des approvisionnements, je ne sais plus ce que j'ai pris là, 20 000 ou 30 000, ça n'a pas d'importance, et des charges salariales 30 000 et des dotations aux amortissements de 50 000. Donc effectivement, vous avez un bénéfice comptable qui est égal à zéro. Est-ce que le fisc va considérer que vous ne devez rien payer comme impôt? Quelle est la différence entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable? Le bénéfice fiscal n'est pas toujours égal au bénéfice comptable. Comment calcule-t-on le bénéfice fiscal dans les entreprises? Eh bien, on prend le bénéfice ou la perte comptable plus les dépenses non admises moins les revenus définitivement taxés. C'est ça la formule qui permet de calculer le bénéfice fiscal. D'accord ? Alors je vais expliquer ça, mais brièvement. Et c'est ce bénéfice fiscal qui est frappé, c'est le terme de la législation, il est frappé d'un impôt des sociétés de maximum 33,99%. Donc les sociétés payent un impôt par étage qui tient compte de la croissance des bénéfices. De telle somme à telle somme, vous payez tel taux. De telle somme à telle autre somme, vous payez tel taux, etc. Comme pour les personnes physiques. Et donc, on arrive à 33,99%. On pense le réduire, mais on ne voit rien venir. Néanmoins, ce n'est pas très très grave, ce n'est pas un taux très élevé. C'est l'impôt des personnes physiques qui est très élevé, l'un des plus élevés d'Europe. Donc l'impôt que vos parents payent et que je paye peut toucher dans les... peut arriver à 55%. Donc en Belgique, quand vous travaillez à deux, généralement vous êtes taxé autour de 50%. D'où toute cette pratique de contourner la législation fiscale, parce que le taux IPP, impôt des personnes physiques, est extrêmement élevé. Vous dites autour de 50%, voire plus. Donc évidemment, ce qui touche les rémunérations de 350 000, 500 000, 1 million d'euros par an, eh bien, effectivement, ils payent généralement au moins 55% à l'administration fiscale en IPP. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'impôt des sociétés et non l'impôt des personnes physiques. Alors, vis-à-vis de la fiscalité des sociétés, quelle est la différence entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable? Qu'est-ce qui fait que le bénéfice fiscal est généralement, je dis bien généralement, plus élevé que le bénéfice comptable? que sont ces dépenses non admises? Eh bien, dans mon exemple, le bénéfice comptable est de zéro, parce que j'ai pu déduire les trois charges de 20 000, 30 000 et 50 000 de mon chiffre d'affaires, j'ai un bénéfice de zéro. Est-ce que mon bénéfice fiscal peut être plus élevé? Eh bien oui. Il suffit que j'ai des dépenses non admises. Qu'est-ce que c'est que ces dépenses non admises? C'est par exemple des frais de restaurant. Lorsque vous allez au restaurant, même un jour de semaine, même un midi, donc c'est pas juste le soir, c'est pas juste le week-end, c'est pas juste l'été, en semaine, en journée, on considère que vous ne pouvez pas déduire la totalité de la note de restaurant. Vous déduisez 69%. Jusqu'à il y a quelques années, vous ne pouviez déduire que 50%. Ça veut dire que si, dans les approvisionnements, par exemple, vous avez une note de restaurant de 100, eh bien, il y a 69% qui sont déductibles, et puis vous avez 31% qui ne le sont pas. Parce que, même si c'est une charge professionnelle, un jour de semaine, avec des clients avec lesquels vous avez signé un contrat, vis-à-vis de l'administration, comme les frais de restaurant peuvent profiter aux personnes physiques à tout moment, eh bien, il y a une déductibilité limitée, mais néanmoins élargie, puisque on est passé de 50% à 69%. Si vous avez un restaurant interne à l'entreprise, c'est autre chose. Si vous allez à des séminaires à l'extérieur du pays, c'est autre chose. Donc les notes de restaurant sont une première composante des dépenses non admises. Je vous donnerai la liste. Une deuxième composante, c'est par exemple les cadeaux, cadeaux d'affaires, mais qui ne sont pas spécifiés, marqués au nom de la société, ils ne sont pas déductibles. Les frais vestimentaires, ils ne sont pas déductibles. Donc si vous achetez avec la carte de votre société des vêtements parce que vous estimez qu'il faut être bien sapé pour travailler dans votre entreprise, l'administration fiscale considère que ces vêtements, n'étant pas des vêtements professionnels, ne peuvent pas être déductibles. Donc, sauf s'il s'agit de toges d'avocat, de blouses d'infirmière ou de salopettes pour un certain nombre d'ouvriers, salopettes jaunes, vertes, bleues, etc., coloriées, ces vêtements professionnels, ces chaussures techniques, tous ces éléments sont déductibles. Le reste, les vêtements civils, ne sont pas déductibles. Les PV, si vous vous attrapez des PV parce que vous voulez, comme un fou, eh bien, vous les payez avec le compte de la société, ça n'est pas déductible. Donc, imaginons que vous ayez, par exemple, ici, 4000 de DMA, eh bien, votre bénéfice fiscal est de 4000, alors que vous avez un bénéfice comptable de zéro. D'accord? Donc les dépenses non admises, là-dedans, on trouve les frais de restaurant, on trouve les frais vestimentaires, on trouve les cadeaux d'affaires, on trouve une partie des frais de véhicule, on trouve les PV, amendes et versements anticipés. Eh bien, si vous ajoutez ces dépenses non admises, ça veut dire dépenses comptabilisées, à la limite admises en comptabilité, parce que si vous allez manger au restaurant avec un client avec lequel vous signez un contrat, il n'y a pas plus professionnel que ça. Eh bien, fiscalement, on vous avertit dès le départ que ça n'est pas admis. D'accord? Et donc, si vous avez 4 000, vous aurez un bénéfice fiscal supérieur au bénéfice comptable. Qu'est-ce que les revenus définitivement taxés? Ça nous intéresse moins. Eh bien, lorsque vous avez une société établie en Belgique qui reçoit des dividendes d'une autre société établie en Belgique, qui a déjà payé un impôt sur le bénéfice, on considère que vous ne devez pas payer une deuxième fois un impôt parce que c'est des revenus qui ont déjà été taxés, on ne les taxe pas une deuxième fois. D'accord ? Donc, revenus déjà taxés ou définitivement taxés, les RDT, eh bien, on les enlève. D'accord ? Donc, ça intervient rarement, mais les dépenses non admises font que dans toutes les sociétés, le bénéfice fiscal est supérieur au bénéfice comptable et vous payez plus d'impôts parce que votre bénéfice fiscal est supérieur à votre bénéfice comptable. Il arrive même que vous ayez un bénéfice fiscal tout en étant en perte comptable. D'accord ? On va examiner les comptes d'APIBEL. En réalité, je vous parle souvent d'APIBEL parce que je connais vos penchants le soir, ou même en journée. Et figurez-vous que cette société paye très très peu d'impôts. Je me demande même si elle ne paye pas 0 euro d'impôts. Alors que son chiffre d'affaires est en centaines de millions d'euros. Mais il y a beaucoup d'autres sociétés qui parfois font un bénéfice comptable, mais elles sont en perte fiscale. Comment peut-on faire un bénéfice comptable et être en perte fiscale? Eh bien, si vous avez beaucoup de pertes fiscales anciennes, il faut d'abord les récupérer avant de payer l'impôt. Prenons juste deux exemples pour clarifier ce point. Vous êtes en perte fiscale en 2015. Et puis, vous êtes en bénéfice comptable en 2016. Eh bien, si vous avez une perte fiscale de 40 000, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quel que soit votre bénéfice comptable ou votre bénéfice fiscal en 2016, il faut d'abord enlever la perte fiscale de 2015 et vous ne payez l'impôt que sur la différence. Donc il arrive qu'une société soit en bénéfice lorsque vous examinez ses comptes, mais ne paye pas d'impôt parce qu'elle doit d'abord rattraper le stock, si je puis dire, de pertes fiscales qu'elle a accumulées. Deuxième contre-exemple, vous avez une perte comptable en 2016, mais vous êtes en bénéfice fiscal en 2016. Imaginons que la perte comptable soit de moins 20 000. Et puis vous avez des dépenses non admises de 30 000. D'accord ? Donc même lorsque vous êtes en perte comptable, vous pouvez avoir des dépenses non admises. Eh bien, si vous prenez ce résultat comptable qui est de moins 20 000 et que vous ajoutez des dépenses non admises de 30 000 parce qu'il y a beaucoup de charges de restaurant, frais de véhicule, frais vestimentaires, PV amende, etc., il se peut que vous soyez en perte, en bénéfice fiscal sur lequel vous payez un impôt. Donc, vous pouvez être en perte comptable tout en étant en bénéfice fiscal. Vous pouvez avoir des pertes fiscales anciennes que vous devez d'abord déduire des bénéfices futurs pour payer l'impôt sur la différence. Et en tout cas, c'est extrêmement rare que le résultat fiscal coïncide avec le résultat comptable. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviendrai là-dessus parce que je vous donnerai la liste Les dépenses non admises, je vais voir d'ailleurs parce que si je la retrouve ici, je la projetterai tout à l'heure. Je ferme la parenthèse et je reviens à notre exemple. Donc les 50 000 sont venus réduire le bénéfice à zéro, en supposant même qu'il n'y ait pas de dépenses non admises. Donc grâce à l'amortissement, vous allez payer moins d'impôts. Si vous n'aviez pas fait l'amortissement, vous auriez payé un impôt sur 50 000. Donc ça, c'est l'aspect fiscal. Donc on a vu l'aspect comptable, on a vu l'aspect fiscal. Pour quelle raison ai-je parlé de l'aspect financier? Eh bien, pour comprendre cela, de nouveau ici, c'est un élément qui va intervenir chez les étudiants qui suivent l'économie lorsqu'ils vont suivre les cours de finance. Quelle est la différence finalement entre les charges et quel est le sens du cash flow? Vous avez tous entendu parler du cash flow d'une entreprise. Qu'est-ce que le cash flow? Quel est le lien entre le cash flow et ce que je suis en train d'expliquer actuellement? Eh bien, d'un point de vue financier, quelle est la différence entre mes trois charges? Entre cette charge, celle-ci et celle-ci. On a vu que sur le plan comptable, il s'agit de trois charges comptables. Si elles sont professionnelles, si vous avez des approvisionnements pour la société, pas pour vous, s'il y a des factures, des pièces justificatives, c'est des pièces comptables. Votre expert comptable, votre réviseur d'entreprise vont accepter ces charges comptables. Et les rémunérations aussi. Si vous avez des employés et que vous avez par exemple un secrétariat social qui tient le suivi de votre personnel en termes de frais, c'est une charge comptable. Les dotations d'amortissement, s'il s'agit d'un bâtiment affecté à l'exploitation et que vous amortissez, les 50 000 sont une charge comptable. Donc en comptabilité, il n'y a pas de différence entre les trois charges. En fiscalité, il peut y avoir une différence. Si les trois charges sont comptablement admises, il se peut qu'elles ne soient pas fiscalement admises. Si elles font partie des DNA. D'accord? Mais si elles n'ont rien à voir avec les DNA, si elles sont professionnelles, le fisc les accepte. Financièrement, il y a une différence. Et j'aimerais bien que vous perceviez cette différence. Il y a une nuance qui est très importante. Quelle est la différence entre les approvisionnements de 20 000, les rémunérations de 30 000, et le fait de dire j'amortis mon bâtiment ou j'amortis mon camion ou j'amortis ma machine à concurrence de 10%, 20% ou 3%. La plupart des bâtiments, par exemple les bâtiments dans les hôpitaux, doivent être amortis sur 33 ans. Ça veut dire que c'est 3%. En réalité, 4% la première année et puis 3% les années suivantes. Donc, comme le ministère de la Santé rembourse les hôpitaux dans ce que l'on appelle le BFM, budget BMF, pardon, budget des moyens financiers, eh bien, les règles d'amortissement sont déterminées par le ministère. Alors, quelle est la différence entre ces trois charges sur le plan financier? Eh bien, la différence est la suivante. Lorsque vous achetez des approvisionnements auprès d'un fournisseur, vous le payez un jour ou l'autre. Les 20 000 vont sortir de votre compte en banque un jour ou l'autre. Lorsque vous indiquez des rémunérations de 30 000, il faudra payer les employés un jour ou l'autre. Les 30 000 vont sortir. En revanche, lorsque vous dites que vous amortissez votre immeuble, votre camion ou votre PC, C'est une charge comptable, fiscale, mais non décaissable. Vous ne donnez les 50 000 à personne. Quel est le sens de cet amortissement? Si vous avez une charge comptable qui n'est pas décaissable, pour quelle raison l'administration fiscale vous autorise-t-elle à déduire les 50 000? Parce que finalement, si ceci est accepté comme étant déductible de ceci, on dit que c'est déductible. C'est-à-dire que grâce à l'amortissement, vous avez un bénéfice de zéro. Donc vous avez déduit les 20 000, les 30 000 et les 50 000. Qu'est-ce qui pousse le législateur fiscal à vous laisser amortir et à mettre en charge comptable et charge fiscale 50 000 que vous ne décaissez pas? Eh bien, le sens de cette charge est le suivant. On vous a laissé acheter l'immeuble avec l'argent de la société, c'est normal, et on vous permet de mettre de côté chaque année une partie du coût d'acquisition pour que vous puissiez renouveler votre actif immobilisé. Donc l'amortissement, qui n'est pas une charge décaissable, permet de constituer une épargne pour renouveler l'actif immobilisé. C'est un moyen de reconstitution, un moyen de renouvellement d'actifs immobilisés. À ce titre, les 50 000, vous les considérez comptablement et fiscalement comme les 20 000 et les 30 000, mais financièrement, non, ce n'est pas la même chose, parce que financièrement, les 20 000 ou les 30 000, un jour ou l'autre, vous les sortez de votre compte à vue, tandis que les 50 000, vous ne les sortez pas. Vous les mettez en comptabilité, en fiscalité, juste pour pouvoir constituer une épargne en vue de reconstituer l'actif immobilisé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on calcule le cash flow en finance, qu'est-ce que le cash flow? C'est simplement la capacité d'autofinancement de l'entreprise. On calcule le cash flow en prenant le bénéfice net ou la perte nette, plus précisément des charges comme les amortissements, c'est-à-dire des charges non décaissables. Pour les banques, c'est extrêmement important de connaître votre cash flow. C'est-à-dire, lorsqu'on veut vous prêter, on vérifie votre capacité à générer des ressources de l'intérieur de l'entreprise, à créer un autofinancement pour pouvoir, justement, bien rembourser les intérêts, rembourser le prêt et payer les intérêts. Si vous avez un cash flow nul, la banque va prendre peur parce que ça veut dire que vous ne générez même pas de quoi rembourser, payer les intérêts, et ça veut dire que vous allez devoir emprunter pour rembourser l'ancienne. Mais on va trop loin. Donc pour l'instant, retenons simplement que l'amortissement est une charge comptable, normalement charge fiscale, mais qui n'est pas décaissable sur le plan financier. Et donc, au plus vous amortissez vos actifs, au plus vous avez des ressources pour pouvoir les renouveler. Parce que si vous n'aviez pas amorti votre immeuble, vous auriez un bénéfice comptable de 50 000 sur lequel vous auriez payé des impôts. L'argent serait sorti. Vous auriez payé une partie à l'impôt des sociétés, vous auriez payé une partie en dividendes, une partie en entière. Tandis que là, vous avez, grâce à l'amortissement, un résultat de zéro. Voilà pour l'amortissement. Qu'en est-il des réductions de valeur et des provisions? Sans rentrer dans le détail pour ne pas nous retarder davantage, sachez simplement que lorsque vous faites des réductions de valeur, ou lorsque vous faites des provisions plus que charges. Finalement, ce sont les trois travaux comptables de clôture qui nous intéressent ici. Lorsque vous faites des réductions de valeur et des provisions, eh bien, vous les mettez également en charge. Donc, réduction de valeur, dotation aux provisions. D'accord ? Donc, à titre d'exemple, pour qu'on comprenne cela, vous avez par exemple vendu un client pour 100 000 euros. Et il ne vous paye pas dans les délais qui ont été prévus. Vous lui envoyez des rappels. D'accord ? Donc, mettons-nous d'accord sur simplement ce mécanisme. Vous avez vendu un client pour 100 000 euros plus TVA. Vous avez donc passé l'écriture suivante. C'est une écriture de la première interrogation qui va intervenir à la deuxième interrogation. Vous avez vendu pour 100 000 euros, hors TVA. Vous aurez sur le client une créance de 100 000 fois 1,21, 121 000. Et les 21 000 qu'il vous paye ou qu'il vous payera ne vous appartiennent déjà pas et vous les enregistrez comme dette vis-à-vis de l'administration de la TVA. Ça, c'est une écriture que vous connaissez sans problème. Vous avez vendu, vous avez une créance de 121 000. À la limite, si j'avais débité le compte 550 banque, eh bien, j'aurais mis 121 000 en banque. La dette était de 21 000. Si au lieu d'encaisser l'argent, j'enregistre une créance à 30 jours, 60 jours, fin de mois, sur le client, parce qu'il n'est pas perçu des 121 000, vis-à-vis de la TVA, c'est la même chose. La dette est là, parce que la dette naît au moment où la vente se fait, et pas au moment où je reçois l'argent. Attention à cette nuance. Eh bien, si vous avez par exemple vendu le 1 du 3 à ce client, et qu'à la fin de l'année, il ne vous a toujours pas payé, malgré un rappel, deux rappels, trois rappels, peut-être que vous avez compté des intérêts de retard sur base, je dirais, des mois pendant lesquels il a fait attendre votre trésorerie. Imaginons qu'à la fin de l'année, ce client soit tombé en faillite. C'est un client SA, c'est une société à laquelle vous avez vendu. Ce n'est pas une personne physique, c'est une société à responsabilité limitée. Eh bien, si à la fin de l'année, vous nous apprenez que la société est en faillite, vous allez simplement enregistrer une réduction de valeur. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que votre créance devienne zéro. Mais vous allez quand même demander à récupérer les 21 000 auprès de la TVA. D'accord ? Donc là, c'est vraiment un petit élément que je voulais clarifier pour que ce ne soit pas un grain de sable dans notre raisonnement plus tard. Au moment où on a vendu, on a accepté de payer la TVA à l'administration. Comment pourrait-on refuser quoi que ce soit à l'administration de la TVA ? On lui paye 21 000. Sous-entendu que si jamais on ne recouvre pas les 21 000 dans la créance que nous avons, l'administration de la TVA nous rembourse. Eh bien, c'est ce qu'elle fait. Donc, l'administration de la TVA est disposé à vous rembourser la TVA que vous lui avez payée si finalement vous ne l'avez pas récupérée. Simplement, l'administration de la TVA attend que le client tombe en faillite, qu'il meure professionnellement parlant. Tant qu'il n'y a pas de faillite, l'administration de la TVA ne réagit pas. Mais, indépendamment des 21 000 qu'on va récupérer sur les 121 000, les 100 000, on les a perdus. On peut danser sur notre tête, on ne pourra pas poursuivre les gérants ou les administrateurs de la société anonyme parce que par définition, ils ne sont responsables que de ce qu'ils ont apporté. Donc si leur société avait été par exemple créée au capital de 1 million et qu'elle tombe en faillite, ils perdent le million qu'ils ont apporté. Mais ils ne vont jamais perdre plus, sauf s'il y a faillite frauduleuse. Ça veut dire que nous, fournisseurs de ce client-là, si jamais il tombe en faillite, on perd notre créance. Est-ce qu'on la perd totalement? Pas tout à fait. Parce que, et c'est ce que justement je suis en train de vous montrer, vous pouvez mettre cette créance ici, enfin cette réduction de valeur. Donc ce que vous perdez sur une créance, c'est ce qu'on appelle la réduction de valeur. Vous le mettez en charge. Ça vient augmenter vos charges. Vous voyez, grâce aux amortissements, vous étiez en bénéfice comptable de zéro. Avec les réductions de valeur, vous êtes en perte comptable de moins 100 000. Si c'est égal à la perte fiscale, ça veut dire que vous ne payerez au cours des années futures un quelconque impôt que lorsque vous aurez récupéré d'abord ce stock de perte fiscale. Donc si vous avez des réductions de valeur sur les stocks, sur les créances, c'est aussi un élément qui vient augmenter les charges et qui réduit le bénéfice imposable et qui intervient dans le cash flow. Enfin, les provisions plus que charges, donc parlons un petit peu de ce petit point, mais il est important, puis on fait une pause. Donc imaginons qu'en 2016, vous ayez un litige avec un client, un fournisseur, un concurrent, un employé. Bref, vous avez un litige. Par exemple, vous êtes dans la construction immobilière et vous avez construit un projet dans lequel il y a un défaut et on vous poursuit. Et votre avocat vous dit, attendez-vous à payer une somme de 50 000 de dédommagement. Mais on ne sait pas quand. D'accord ? Donc, on sait exactement de quel litige il s'agit. C'est parce qu'on nous poursuit sur un projet dans lequel il y a apparemment un défaut. On estime ce qu'il faut payer à 50 000. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et on ne sait pas à quel moment il faut le payer. La justice peut être lente dans certains cas, donc il se peut qu'on paye l'année prochaine, il se peut qu'on paye dans 10 ans. Comptablement, c'est une charge de l'exercice au cours duquel l'événement s'est produit. Si vous avez ce litige en 2016, eh bien vous allez mettre cette charge en 2016. Donc ici, vous aurez vos 5 ans. Même si vous pensez payer beaucoup plus tard, vous pouvez le mettre en charge de l'exercice au cours duquel l'événement s'est produit. Si le litige s'est produit en 2016, c'est l'exercice 2016 qui doit en supporter le coût estimé. Alors, votre expert comptable, votre réviseur d'entreprise, mais également le contrôleur fiscal vont vous demander un certain nombre de preuves vis-à-vis de ce litige. Donc si vous produisez d'épreuves, d'échanges de courriers, éventuellement de procès intentés en justice, etc. Vis-à-vis du fils, il n'y a aucun problème. C'est la prévision d'une dépense future. Même si vous ne payez que dans 3 ans, dans 10 ans, l'événement s'est produit en 2016, vous pouvez supporter ces 50 000. Eh bien, vous voyez. Et donc, quand on va prendre le cas d'une entreprise, on va voir l'impact de ces charges. Eh bien, vous voyez que grâce aux amortissements, aux réductions de valeur et aux provisions, vos charges augmentent légalement. Vous avez une croissance de charges et fatalement, vous pouvez passer de bénéfice à perte. Alors évidemment, et c'est sur ce point que je voudrais terminer, si je suis dirigeant d'une entreprise, ma préoccupation, c'est d'avoir un bénéfice. Parce que au plus j'ai de bénéfices, au plus je vais payer des dividendes aux propriétaires de la société, parce que n'oubliez pas que les actionnaires attendent avant tout la rémunération de leurs actions, du capital. Donc imaginons qu'il y ait 3 associés X, Y, Z. Eh bien, ces actionnaires attendent chaque année un dividende qui est une partie du bénéfice après impôt qui rémunère leur capital. Si j'ai des bénéfices, je vais aussi attirer des investisseurs et les banquiers vont me prêter facilement. Ça, c'est ma préoccupation financière. Mais mon autre préoccupation, c'est que je n'ai pas envie de payer 34% à l'État. Et donc, je suis pris entre l'envie d'avoir des bénéfices pour payer les dividendes, pour attirer les investisseurs et les prêteurs, et l'envie de ne pas payer 34%. Et donc, toutes les entreprises créent autant de charges qu'elles peuvent pour réduire le bénéfice imposable, parce que ça fait mal de payer 33,99%. C'est finalement le plus gros actionnaire, mais en même temps, une fois que vous avez utilisé cette ingénierie fiscale, dont une grande partie est prévue légalement, eh bien, vous avez envie quand même d'avoir des bénéfices, de payer des dividendes. Donc, vous êtes pris entre les deux craintes. Voilà, donc, ces 3 éléments qui sont très très importants sur le plan comptable, sur le plan fiscal, et sur le plan financier, parce que c'est des charges comptables non décaissables. On fait une petite pause et on reprend.